5 doigts moi aussi. On peut se croire écho. On peut se croire écho. Ta main, camarade, toi qui viens d'un pays, les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi. On peut se croire égo. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je viens bientôt. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarade. Bientôt, le virus aura tellement muté que nous aurons développé peut-être, mon frère, ma sœur, une immunité naturelle. Bientôt, bientôt. Soon we will, soon we will, soon we will. Dance together. Eat together. Canada, France, Angleterre, Portugal, Allemagne, problem, local solution. Continue à vivre. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Les oiseaux, les cascades, c'est pour nous bientôt. Sans passe sanitaire, ségrégation. Aucune ségrégation. No way, no hope, no fear. Here and now. Probably low. possibly maybe, probably low, possibly maybe, probably low. Major Tom to ground control. Electric chucks. Ground control. Ground control to Major. I love that. Avec toi, camarade, de l'autre côté de l'océan. Again, we feel better. We are human. Evolution. Fragility with complexity.